La saison de golf s'en vient à grands pas et le club de golf de Saint-Prime vous offre des tarifs imbattables pour la nouvelle année, que ce soit pour un forfait VIP ou un forfait à 10 parties. Le club de golf de Saint-Prime a une grille d'abonnement qui plaira à tous les types de golfeurs. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à visiter notre site internet golfsaintprime.qc.ca, notre page Facebook ou encore en appelant au 418-251-2831, poste 26. On va parler de balles lentes, de balles données. On sait que Robert Val et Nick est pas mal dynamique. Je pense qu'il y a au-dessus d'une centaine de joueurs. Et cette année, on entame encore une autre année. Et on va parler avec le responsable Jonathan Thibault. Salut, Jonathan. Salut, Danny, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Jonathan, d'accord. Comment ça va être joueur actuellement, Robert Val? Ben, en fait, je te corrige un peu. On a 6 équipes. Okay. 6 équipes à 11 joueurs, ce qui donne un total de 70 joueurs. 70 joueurs, oui. Okay. Si on calcule là, les remplaçants, c'est une liste là, allant au moins une vingtaine de remplaçants. Là. Ben, je suis pas loin, là. On frôle les 90 joueurs, là. Pour la Ligue de balle lente à Robert Valle. Non, parce que je me suis fié à votre groupe, vous êtes une centaine de ventes. C'est pour ça que je me suis fié pas mal à votre groupe. Je me suis dit, c'est pas mal à ça. Donc, j'étais pas loin pareil. Là. Parle-moi maintenant de cette année. 6 équipes, je me trompe-tu en disant que c'était. C'est qu'il y a plus d'équipes que les autres années? Ça fait déjà, je te dirais, au moins 4 ans, là, 4 à 5 ans qu'on est 6 équipes. Okay. On a, dépendamment des variantes d'année en année, on joue à 10 joueurs, à 11 joueurs. Et puis, si on compare là, vraiment avec les années, les premières années, là, c'était des équipes de 5 qu'on modelait avec une autre équipe de 5 pour pouvoir faire un match. Là, on a commencé à 20 joueurs, ensuite on a tombé 40 joueurs et ainsi de suite. Là. Puis là, on a monté comme ça de fil en aiguille année après année. Et là, actuellement, avec cette formule-là, en tant que telle, là, on en est avec la formation là, de la Ligue de balle lente Robert-Val, c'est la 7e année. Puis, c'est-tu pas mal toutes les mêmes joueurs? Vous avez un bon noyau? Y a-t-il un roulement? Comment ça fonctionne, en fait? Oui, il y a quand même un bon roulement, parce qu'on parle là, d'environ une vingtaine de joueurs, 20 à 25 joueurs, là. Près du tiers qu'il y a un roulement. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. On sait que bon, il y a quelques travailleurs sur les chiffres aussi. Il y en a qui déménagent. Bon, pour ouais. De raison, là. La famille aussi. Donc, il y en a qui reviennent et ils passent un an, deux ans, après ça, ça revient dans la ligue. Mais il y a un noyau assez solide, là, je te dirais, de 35, 40 joueurs. Okay. Qui est tout le temps là. Puis normalement, il y a un roulement environ 20-25 joueurs d'année en année. Le calibre, les équipes sont-ils pas mal réparties? C'est-tu pas mal. Il y a des équipes qui sont plus fortes que les autres? Ben, en fait, comparativement là, à beaucoup de ligues au Lac-Saint-Jean, puis peut-être même au Saguenay, là, la force de notre ligue, c'est que c'est un repêchage. OK. Donc, il y a 6 équipes, il y a 6 capitaines. Avec un assistant capitaine, puis là, on fait un repêchage, autrement dit, pour avoir 11 joueurs. Donc, on fait 9 rondes de repêchage. Et puis, c'est vraiment pigé au sort à toutes les années. Donc, c'est très juste et équitable. C'est certain que, bon, il y a un classement. Donc, ça prend un premier, ça prend un dernier. Mais normalement, les équipes sont très bien balancées. Puis, c'est ça qui fait en sorte aussi là que il y a du plaisir, de l'agrément. Puis, oui, il y a de la compétition dans cette ligue-là. Okay. Mais au moins, tout le monde a une chance de gagner tous les soirs. Ben oui, c'est comparativement à certaines ligues que, il y a formation de ton équipe, c'est bien le fun, tu joues avec les chums que tu veux. Sauf que là, il y a vraiment des écarts où est-ce que tu vas avoir une équipe qui va finir la saison avec 19 victoires, une défaite, puis une équipe qui va finir avec 2 victoires, 18 défaites. Okay. Fait que ça, chez nous, c'est vraiment pas ce style de ligue-là qu'on a. OK. Parle-moi maintenant de la moyenne d'âge. Ça ressemble à quoi? Écoute, ça y va. On commence pas mal à peu près à 20 ans. OK. Puis ça va jusqu'à environ, là, je te dirais, la moyenne d'âge, là, ça se situe là, entre 25 et 35. Dire que mon chum Alexandre Gauthier, c'est vraiment ce qu'il y a de plus vieux. Il fait partie des joueurs expérimentés. Oui, il me disait hier qu'il connaît, qu'il connaissait pas une bonne saison, un bon début de saison. Il me disait ça hier. J'ai dit peut-être que ce serait peut-être le temps qu'il se retirera. Alexandre, Alexandre est sévère par rapport à son bagage de balle, son expérience. OK. On peut être. Et en plus, il joue avec moi cette année. OK. Donc, il est dur un peu là, envers lui-même, là, mais ça va se placer. Là, je ne suis aucune main. OK. Peut-être aussi que ce serait le temps qu'il se retirerait. Là. Pas du tout. Non, mais c'est peut-être une analyse que je faisais, là. Mais bon, la saison, combien de matchs? La saison a 23 matchs. OK. Ensuite, par rapport au classement, on fait un tournoi des séries. Donc, il y a un round-robin avec deux poules. OK. La première position va jouer dans un pool avec la quatrième et la cinquième. OK. Puis la deuxième va jouer dans l'autre pool avec la troisième et la sixième position. Ah, OK. Suite à ça, là, on fait nos demi-finales. Les deux premiers passes de chaque poule. Demi-finale 2 de 3. Okay. Et la finale se joue un 3 de 5 là, par la suite. OK. Donc, c'est pas mal intéressant aussi. Là. Puis l'été, parce qu'il y a beaucoup de monde l'été, ça doit être assez difficile de tenir une ligue. Tu sais, les vacances, les gens partent en vacances. Imagine que c'est dur. Ben, en fait, c'est sûr qu'il y a on a la liste de remplaçants pour ça. Okay. En juillet, là, c'est certain que là, le gros des vacances, c'est début août, c'est là que le monde part en tant que tel, sauf qu'on prend une semaine de break, nous, à traverser. Okay. Donc, quand même, là, c'est passé. Donc, cette semaine-là, il y en a beaucoup qui commencent leurs vacances. Donc, on donne un break là, pendant cette semaine-là. Fait qu'on a des personnes qui manquent de match. Mais en général, là, ça va assez bien. Puis on a... On a des très bons remplaçants de qualité. Fait que quand il y a des joueurs de haut calibre qui manquent dans ton équipe, on est capable de les remplacer aisément là, par des très bons joueurs. OK. Ben Jonathan, c'est toujours intéressant. Je parle à tous les jours. Ben, à chaque fois qu'il y a des matchs, moi je me nourris de vos résultats. Parce que pour être intéressant, on a besoin des organismes de sport. Fait que. Exactement. Fait qu'on va chercher et on annonce dans le bulletin de sport local, on parle de tout le. On parle évidemment de la Ligue et ainsi de suite. Puis gêne-toi pas s'il y a quelque chose. On est là pour ça. Ben, c'est très apprécié, Danny. Je te remercie. OK. Donc, Jonathan Thibault, on pourrait dire le président de la Ligue de Ballante de Robert.